Roma eut une enfance difficile. Sa mère battait son père pour qu'il soit plus docile. Son père cognait sa fille qui giflait les petits voisins. Le père d'un petit voisin frappait sa mère à tour de main. Son père n'aimait rien tant que les coups épicés. Le genre de truc qui crée comme une complicité. Elle eut son bac mention bien lycée Marie Curie. Sa mère affirma qu'il s'était gouré dans les copies. Cindy Trauma aimera toujours son papa, qui dessinait sur son ventre à la pointe d'un petit compas. L'adolescence, elle a ourdi une terrible vengeance. À tous ses amoureux, elle ne laissa aucune chance. Car ils avaient le tort de ne pas être comme son père. Et d'ailleurs, deux d'entre eux ont fini comme le jeune Werther. À la boucherie de papa, elle servit Philippe Léotard. Toujours amoureuse, même si aujourd'hui, bon bah c'est un peu tard. Mais comment oublier le regard sauvage qu'il posa sur elle. Elle aurait dû le suivre quand il lui a dit « Parce que tu es belle ». Cindy Trauma piétine gaiement le verbe aimer. Ceux qui ne le savent pas vont bientôt regretter d'être nés. Prédilection pour les climats sordides. Si elle allait au théâtre, elle adorerait sûrement le cid. Le papillon est à la lumière, ce que Cindy est au salopard. Elle s'accomplit en tant que femme auprès des pires crevards. Elle rejette les doux, les tendres à coups de phrases cinglantes. Ceux qui s'accrochent s'en veulent de ne pas avoir pris la tangente. Elle pardonne à celui qui casse un bras, puis la délaisse. Mais pas à celui qui donne le moindre signe de faiblesse. Cindy se dégote des gars qui font de gros dégâts, qui appellent d'autres gars pour s'occuper de son petit gars. Cindy a hésité, assistante sociale ou bien aide-soignante. Mais Cindy finalement est éducatrice spécialisée à Nantes. Un long travail sur elle-même n'enraye absolument rien. Mais elle dit comprendre le processus, alors bon bah c'est déjà bien. Cindy Trauma brise et concasse les âmes romantiques, égarées dans l'intimité de sa chambre magique. Car Cindy Trauma cherchera toujours l'amant bouché, qui saura faire d'elle un sublime steak haché. Cindy Trauma s'en est vraiment très bien sortie. Pour rien au monde, elle ne voudrait changer sa vie. Mm-hmm.